Vous êtes assez fou. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Television, une émission britannique qui juge les rapports sexuels. J'ai hâte à l'adaptation québécoise de Musique Plus, Is This Rape, face à face. Dans le segment Geek CNX, le New York Times en réalité virtuelle sur les casques Google Cardboard. Enfin, les gens vont pouvoir ne pas lire le journal virtuellement au lieu de ne pas le lire en papier. Et dans Merci Science, les esprits ouverts auraient plus de talents musicaux. Au Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui a l'esprit ouvert et la bouche fermée pour animer. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 26 octobre 2015, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, le segment Geek CNX et c'est un fait Tech Edition à la toute fin. On a aussi une nouvelle série musicale, cette fois-ci sur la musique de Super Meat Boy. On entendra ça en dernière partie d'émission. On va débuter avec Television dans quelques instants, mais tout de suite c'est du chiptune qui commence tout ça. On s'écoute une première pièce par l'artiste Sudstep. Voici I Wanna Be Friends. On m'a fait plein de show. Sur C'est Fou! L'artiste Sudstep, la pièce I Wanna Be Friends, c'est basé sur un, je crois que c'est un dessin animé qui s'appelle School Live. Il dit de regarder l'épisode 1 et de lui donner des nouvelles tellement c'est bon. Donc School Live, Gaku Gurashi, OP, LSDJ Cover, la pièce I Wanna Be Friends, l'artiste Sudstep, le lien sur assemblagerequis.com. Beaucoup d'informations en même temps. Et on débute l'émission avec Television. Wouhouhou, en effet, c'est Television, la chronique où on parle de télévision, les nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Vous savez, d'habitude, je commence par le Québec, ensuite Canada, ensuite les États-Unis. Tu sais, on y va en ordre de place dans le monde. Cette fois-ci, on n'a pas grand-chose au Québec. C'est une nouvelle qui touche le Québec et le Canada en même temps. Tiens. Et c'est une nouvelle dont vous avez peut-être entendu parler. C'est les Jeux Olympiques qui vont être à Radio-Canada et CBC jusqu'en 2024. Oui, les diffuseurs officiels des Jeux Olympiques déterminés jusqu'en 2024. Le réseau public a acquis les droits de diffusion pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en 2022. Et ceux d'été en 2024. Radio-Canada, CBC présenteront donc les 5 prochains Jeux Olympiques, dont ceux de Rio en 2016, ceux de Pyeongchang en 2018 et ceux de Tokyo en 2020. Ils travailleront encore avec leurs partenaires Bell Media et Rogers Media. Le président de Radio-Canada CBC, Hubert Lacroix, a assuré par voie de communiqué que l'entente était responsable sur le plan financier et qu'elle était parfaitement alignée avec le plan stratégique du réseau public. Le diffuseur fournira aussi du contenu sportif canadien à la nouvelle chaîne olympique numérique du Comité international olympique de 2016 à au moins 2023. Je cite « CBC Radio-Canada est un fervent défenseur du sport au Canada. Nous avons prolongé notre partenariat actuel jusqu'en 2024. CBC Radio-Canada s'engageant à poursuivre sa diffusion des Jeux olympiques et à couvrir les sports olympiques 365 jours par année », a déclaré le président du CIO Thomas Bach dans le communiqué. Ensuite, on y va aux États-Unis. Hein, comme j'avais dit, c'était plutôt court au Canada. George R.R. Martin semble occupé à tout faire sauf compléter le prochain livre de la série A Song of Ice and Fire. Évidemment, les livres qui ont été convertis en Game of Thrones, nous dit TVQC.com. Maintenant, il travaille avec Cinemax pour développer Skin Trade, une œuvre qu'il a écrite en 1989. Il y a trois phrases à date dans l'article et je compte au moins 32 erreurs. De français. Il sera, j'essaie de lire correctement, il sera un producteur délégué donc de l'histoire qui est un roman noir loup-garou. Il occuperait clairement une partie de son temps, surtout si le concept va à la série télé. The Skin Trade est en fait une histoire courte qui a été trouvée dans une collection horreur-fiction nommée Night Visions. Il devint plus tard une partie d'une collection intitulée Dream Songs 2. The Skin Trade est un lauréat et annoncé comme l'une des meilleures histoires de loup-garou écrites à ce jour. Il y aura une suite de Roméo et Juliette par Shonda Rhimes. Une suite de Roméo et Juliette a été avancée par la créatrice de Dr. Grey, Leçon d'anatomie. L'inarrêtable Shonda Rhimes a proposé à la chaîne ABC une nouvelle série qui évoquera la suite du conflit entre les Capulet et les Montaigu après la mort des amants de Vérone. Shonda Rhimes qui possède déjà trois séries à la télé américaine, Dr. Grey, Leçon d'anatomie, Scandal et How to Get Away with Murder, planche désormais sur Still Star-Crossed. Son projet Still Star Crust, on dirait une sorte de croûte de pizza. C'est la Still Star Crust, maintenant chez Pizza. Son projet adapté du roman du même nom de Melinda Taube placera son décor au 16e siècle en Italie, après les événements de la tragédie de William Shakespeare. Dans les livres parus en 2013, le prince Escalus tente de mettre fin aux querelles entre les Capulet et les Montaigu en ordonnant à Benvolio, cousin et ami de Roméo, d'épouser Rosaline, la cousine de Juliette et qui est également le premier amour du héros décédé. Ça ressemble vraiment à une nouvelle adresse. Pour mettre sur pied ce projet, Shonda Rhimes s'est entourée de Heather Mitchell, qui officie déjà la production de Scandale. Reese Witherspoon va produire l'adaptation de Wild. Après les collaborations sur le film de Jean-Marc Vallée, les actrices Reese Witherspoon et Laura Dern vont produire la série adaptée de Wild, le livre de Cheryl Strayed pour HBO. Sorti en 2012, l'ouvrage a été numéro 1 de la New York Times best-seller list dans la catégorie pendant 7 semaines consécutives et traduit dans plus de 30 langues. Le récit d'aventure retrace la randonnée de l'auteur dans l'Ouest américain. Après le décès de sa mère foudroyée par un cancer, un divorce, Cheryl Strayed décide en juin 1995 sur un coup de tête de partir dans le désert de Mojave. Confrontée à la fatigue et à la douleur, elle finira par renouer avec elle-même et retrouver l'espoir. Reese Witherspoon tenait le rôle principal dans la version cinématographique signée Jean-Marc Vallée, sortie en janvier dernier. L'actrice avait remporté le prix de la meilleure actrice au Toronto Film Critics Association Awards en 2014 et lors des British Academy Film Awards en 2015. Laura Dern avait été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ensuite, on en parlait en introduction d'émission Is This Rape, l'émission qui juge les rapports sexuels. La chaîne britannique BBC diffusera à partir de... dans les prochains jours, c'est lundi prochain, voilà. Une émission intitulée « Is this rape? Sex on trial? » dans laquelle les adolescents analyseront des mises en scène de rapports sexuels afin de déterminer s'il s'agit de viol ou non. La BBC a expliqué sur son site que le but de l'émission était de lancer le débat sur la compréhension du concept du consentement chez les adolescents. Dans l'émission, un groupe de 24 participants devra répondre à différentes questions au cours du visionnement, en plus de voter à la fin pour savoir s'il s'agit d'un viol. Les téléspectateurs sont aussi appelés à voter. Après le dévoilement des résultats, un expert interviendra pour expliquer les lois qui s'appliquent dans les situations illustrées dans les vidéos. Certaines personnes croient toutefois que cette émission pourrait causer la détresse chez les victimes d'agressions sexuelles. C'est bien à la mode en ce moment d'avoir des trigger alerts au début de chaque maudit article, comme de quoi que, bon, l'intimidation, le viol, l'homophobie, le racisme pourraient déclencher des réactions chez certaines personnes. Donc, tous les articles que je lis en ce moment ont toujours un trigger alert au début. Ça devient un petit peu lourd, hein? Mais bon, au moins, quand même, faut comprendre là, que ça se peut que ça soit un trigger. Là. Mais bon. Vous en pensez ce que vous voulez. L'organisation Rape Crisis, qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles, a fait part de son opposition par le biais de sa porte-parole Katie Russell dans une entrevue au Sunday Express. Je cite « Si ce n'est pas bien dirigé, en particulier avec le vote ouvert au public, le vote a le potentiel de contrarier les survivants de viol et de diminuer les chances qu'ils cherchent de l'aide. » La BBC a répondu par voie de communiqué en déclarant que les agressions sexuelles sont un véritable enjeu pour les jeunes. Bien que nous traitions du sujet avec sensibilité, nous n'allons pas dissimuler les questions soulevées. Voilà. Ensuite, on reste au Royaume-Uni, avec David Tennant qui est de retour dans Doctor Who, mais c'est spécial, c'est pas exactement ça. David Tennant qui va retrouver Catherine Tate dans de nouveaux épisodes audio. David Tennant a campé le 10e et fameux Docteur de 2005 à 2010 avant de laisser sa place à Matt Smith. L'acteur a fait une brève apparition dans l'épisode célébrant le 50e anniversaire de la série diffusée sur BBC. Le premier épisode, intitulé Doctor Who, The Tenth Doctor Adventures, Technophobia, se déroulera dans un futur proche à Londres. D'après le synopsis, l'humanité aurait perdu son habileté à utiliser la technologie. Le second, Doctor Who, The Tenth Doctor Adventures, Time Reaver, sera centré sur une planète mécanique, un marché noir et un sombre secret. Et l'épisode final, Death of the Queen, verra Donna Noble, jouée par Catherine Tate, tomber amoureuse sur une planète nommée Goritania. C'est le surnom de Tanya quand elle fait l'Halloween, c'est Goritania. Tanya Beaudin, hein. Les trois épisodes audio seront diffusés en mai 2016. On reste en Europe plus large maintenant avec Vice Media qui va lancer une douzaine de chaînes télé en Europe. Le groupe américain Vice Media va lancer une douzaine de chaînes en Europe dans l'année à venir, a annoncé son directeur général Shane Smith, assurant... C'est drôle qu'il s'appelle Shane. Il va lancer des chaînes puis il s'appelle Shane, c'est incroyable, tu peux pas inventer ça. Donc, assurant que son groupe approcherait le milliard de dollars de chiffre d'affaires cette année. Il a également indiqué lors d'un entretien à la chaîne d'information financière CNBC que Vice allait créer l'année prochaine une chaîne aux États-Unis. Il n'a pas précisé quel rôle jouerait le groupe de télévision A&E Networks, la société commune entre Disney et Hearst, actionnaire minoritaire de Vice. En avril, le New York Post avait affirmé que le groupe A&E confierait à Vice le cadre de sa chaîne H2, qui est la déclinaison de History Channel, une chaîne dérivée de History, pour développer ses propres programmes. Sollicité par l'agence France Presse, Vice Media n'a pas donné suite. Je cite, « Nous voulons pouvoir aller voir les marques et leur dire « Nous pouvons faire de la télé, de la diffusion mobile, en ligne, on peut tout faire. » Vice Media, ça veut rien dire ça. Vice Media a déjà lancé cette année sa première chaîne de télé au Canada en partenariat avec l'un des principaux groupes de télécommunications du pays, Rogers. Et selon Shane Smith, Vice Media vend actuellement du contenu télévisé dans 28 pays. Il y a en France aussi où Vice propose un magazine d'information quotidien sur France 4 du lundi au vendredi. Le groupe va également bientôt produire une émission quotidienne d'information sur la chaîne câblée HBO qui diffuse déjà un magazine de Vice. Ça fait en effet pas mal de place. Shane Smith a affirmé que Vice Media réalisera en 2015 un chiffre d'affaires proche du milliard de dollars et qu'il prévoyait de le voir doubler dans les deux ans. On a répété, comme on l'avait déjà fait, que Vice Media valait, selon son estimation, quelques 5 milliards de dollars et on s'interroge sur l'avenir capitalistique du groupe. Allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com pour encore plus de détails. Yandex fera écrire la météo par des robots. Le géant russe de l'Internet Yandex s'apprête à lancer un service de courte information concernant dans un premier temps les prévisions météo ou le trafic routier rédigé par des algorithmes et préfigurant selon lui l'agence de presse du futur. Il s'agit d'une sorte de prototype expérimental de l'agence de presse du futur, a expliqué à l'agence France Presse un porte-parole du propriétaire du premier moteur de recherche russe. Ce service qui doit être lancé en novembre fournira gratuitement à ses abonnés, sites et journaux, des textes courts, mais aussi des graphiques pour les chaînes de télé, a précisé le journal Velomosti, la responsable du projet Yandex pour les médias. Les sujets couverts sont amenés à être diversifiés avec le temps. Un nombre croissant d'expériences de ce type qui confie à des robots des tâches réalisées jusqu'alors par les journalistes ont été lancées ces dernières années dans le monde. La société américaine Narrative Science a par exemple mis au point un outil de langage artificiel capable de rédiger des textes à partir de données. Ah, d'ailleurs, j'ai vu sur YouTube, là, tu cherches à peu près n'importe quel sujet de ces temps-ci, il y a toujours au moins une nouvelle qui est complètement lue par une voix robotisée. Ça donne absolument rien, je vois pas qui ça peut intéresser, c'est vraiment plate. Mais bon, aucune émotion, tu sais. Un peu comme moi quand je lis les nouvelles en ce moment. L'agence russe Interfax, via sa filiale Finmarket, utilise également des algorithmes pour rédiger certaines informations financières. L'agence américaine Associated Press a annoncé l'an dernier qu'elle aurait recours à de tels outils informatiques pour le traitement de certains résultats financiers d'entreprises. Maintenant, on passe à Internet avec Gilmore Girls de retour sur Netflix. Gilmore Girls qui pourrait bien faire son retour sur Netflix. La plateforme américaine aimerait faire revivre la série des années 2000 avec ses actrices originales Lauren Graham et Alexis Bledel, selon TVLine.com. Après Arrested Development et Full House de retour en 2016, Netflix récupérait une nouvelle série culte de la télé américaine, diffusée de 2000 à 2007 sur The WB puis The CW. Les 7 saisons de Gilmore Girls suivent. La relation privilégiée entre Lorelai et sa fille de 16 ans, Rory, est dans une petite ville du Connecticut, Stars Hollow. Selon les premières informations du site spécialisé, Netflix envisagerait d'apporter une suite à cette histoire sous la forme de 4 téléfilms de 90 minutes. Lauren Graham et Alexis Bledel reprendraient leur rôle aux côtés de Kelly Bishop qui incarnait la grand-mère de Rory. La grande absente du retour serait Melissa McCarthy dont la carrière a depuis explosé au grand écran. Ça veut dire qu'elle coûte trop cher. Le géant de la vidéo sur demande n'a pas encore officialisé la nouvelle, mais Lauren Graham a toutefois posté un tweet assez éloquent en disant « Dudes, I can't confirm this, but I also can't deny this », donc je peux ni confirmer ni démentir. On va suivre évidemment le dossier, il n'y a rien eu de nouveau depuis, j'ai vérifié tout à l'heure. On reste chez Netflix avec une nouvelle qui n'a pas vraiment rapport avec la télé, mais quand même, c'est gros pour Netflix. Pour une rare fois, les utilisateurs canadiens de Netflix auront droit à une exclusivité avant leurs voisins américains. 8 mois après sa sortie dans les salles de cinéma, le prochain film de la série Star Wars The Force Awakens sera diffusé au Canada sur la plateforme de diffusion en ligne. La nouvelle, d'abord relayée par Variety aux États-Unis, a été accueillie avec joie et surprise au Canada, notamment sur les réseaux sociaux. Cette situation inhabituelle s'expliquera par une question de droit et de diffusion, différent dans ce cas précis entre le Canada et les États-Unis. Donc, félicitations à nous! YouTube lance un abonnement payant sans publicité. Ça aussi, une nouvelle qui a fait le tour, mais allons dans les détails un peu. Entièrement gratuite depuis sa création il y a 10 ans, la plateforme de vidéos en ligne YouTube lance une offre d'abonnement payante permettant de visionner ses contenus sans publicité. Évidemment, c'est pas une question de rendre YouTube payant comme certains sites d'Internet ont décidé de le dire. Donc, l'offre se nomme YouTube Red, disponible aux États-Unis à partir du 28 octobre, aujourd'hui même, au prix de 10$ par mois, 9,99$. Les contenus resteront accessibles gratuitement, évidemment, mais avec adjonction de publicité. Jusqu'ici, quelques secondes de pub étaient systématiquement intégrées avant la diffusion d'une vidéo. Il y a 5 ans, YouTube avait lancé TrueView, une option permettant de ne pas regarder tout le film publicitaire. Vous vous souvenez, le petit bouton qui fait que maintenant les pubs disent « Hey yo, don't skip that! » Hein? Les pubs de Kijiji disent « Hey, avant le skip, écoute-moi! » Donc, une option qui était laissée à la discrétion des annonceurs. YouTube Red marque une évolution dans notre désir de donner aux admirateurs davantage de choix et de contenu qu'ils apprécient, ainsi qu'une utilisation plus plaisante, a commenté le responsable opérationnel de YouTube. Depuis Los Angeles, l'événement a été retransmis dans les bureaux de YouTube à New York. YouTube Red permettra également aux abonnés de sauvegarder les vidéos sur leur ordinateur ou leur support mobile pour les visionner plus tard, même sans connexion Internet. Pour donner de l'élan à son nouveau produit qui sera disponible l'an prochain dans le reste du monde, YouTube a indiqué produire actuellement des séries et des films qui seront diffusés exclusivement sur YouTube Red. Ces productions seront dédiées dans un premier temps à des YouTubers qui ont déjà acquis une notoriété sur la plateforme. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle A Trip to Unicorn Island qui aurait notamment pour personnage principal Lily Singh, une comédienne canadienne adepte de vidéos humoristiques, qui compte 6,9 millions d'abonnés sous le pseudonyme Superwoman. YouTube prépare également un film romantique, Single by 30, produit par Wong Fu Productions, un collectif de jeunes Américains d'origine asiatique suivi par 2,5 millions d'abonnés. Robert Kinkle a assuré que YouTube partagerait la vaste majorité de ses revenus avec les producteurs de contenu sans plus de précision. Le modèle général de Google attribue 55% des revenus aux producteurs du contenu et en conserve 45%. C'est plus que le 30% que prend Apple avec iTunes. Selon le site spécialisé eMarketer, YouTube devrait enregistrer 1,55 milliard de dollars de revenus publicitaires en 2015, ce qui représente près de 20% de chiffre d'affaires réalisé grâce à des vidéos en ligne. Ils attaquent aussi le marché de la musique. Comme c'est pas de la télé, on n'en parlera pas, mais vous pouvez aller voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Et finalement, CNN finance une chaîne vidéo en ligne orientée vers les jeunes. La chaîne américaine d'information continue CNN a financé le lancement d'une chaîne vidéo en ligne baptisée Great Big Story, qui proposera quotidiennement des sujets magazines destinés à une audience plus jeune que celle de sa chaîne. La chaîne dispose de son propre site internet greatbigstory.com, mais aussi d'applications mobiles téléchargeables sur la plupart des téléphones. Great Big Story entend diffuser largement ses contenus sur les réseaux sociaux et souhaite être présent sur tous les supports et applications les plus populaires. La nouvelle société dit avoir reçu de CNN un investissement sur plusieurs années, mais ne pas appartenir à la chaîne d'information ou encore au groupe Turner, qui est la maison mère, qui est une filiale de Time Warner. A Great Big Story, dont l'équipe compte une trentaine de personnes, dit avoir également d'autres partenaires, selon un communiqué. Les premières vidéos mises en ligne sont des sujets magazines de quelques minutes qui s'attardent sur des personnalités présentes ou non dans l'actualité. De 3 à 5 nouvelles vidéos sont mises en ligne quotidiennement. Et pour le responsable du contenu digital, numérique de CNN et acteur du projet, A Great Big Story est une chaîne indépendante conçue pour entrer en contact avec une nouvelle audience par de nouveaux moyens. On vise particulièrement la génération Y, les milléniaux, des jeunes nés après 1980 et qui ont toujours ou quasiment toujours connu Internet. Évidemment, le terme de « après 1980 » varie dépendant à qui on demande ce que ça veut dire « génération Y hein. ». Bref, on dit que GBS n'est ni cynique ni humoristique, d'autres occupent déjà ces terrains-là. Elle ne recherche qu'une seule chose, raconter des histoires de manière inégalée et optimiste. Voilà pour Television Television. Il nous reste encore, comme d'habitude, les codes d'écoute à aller voir au Canada et au Canada... Pardon, au Québec, oui, et au Canada anglais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois que oui. Allons-y avec les codes d'écoute, donc. Pour la semaine du 5 au 11 octobre, commençons par le Québec avec, en rafale, les positions 15 à 6. Nouvelle adresse, vlog, les pêcheurs, l'auberge du chien noir, les dieux de la danse, les enfants de la télé, au secours de Béatrice, mémoire vive, oh, et tout le monde en parle. En 5e, le banquier, 4e, Yamaska, 3e, Boomerang, en 2e, pour Sarah, et en 1e, c'est Unité 9, avec 2 800 000 téléspectateurs. Du côté du Canada anglais, 15 à 6, Limitless, How to Get Away with Murder, Blue Bloods, Quantico, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Gotham, The Flash, Castle, NCIS New Orleans et Survivor Cambodia. En 5e, Blind Spot, en 4e, Criminal Minds, en 3e, Grey's Anatomy, en 2e, NCIS et en 1e, avec 2 625 000, c'est The Big Bang Theory, comme toujours. Tout à l'heure, Merci Science s'en vient, on va entre autres parler de prothèses bioniques dotées d'un sens du toucher. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre pièce de chiptune. En fait, on va avoir avant et après la pause deux pièces d'un même artiste. C'est I Am Source. Tout à l'heure, il y aura Moonbeam. Hein? Mais on débute avec la pièce Blue Moon. Voilà, Blue Moon. I Am Source au Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou. C'est fou pour l'écouter. l'artiste I Am Source et la pièce Moonbeam, et avant la pause, c'était la pièce Blue Moon. Donc, celle qu'on vient d'entendre, c'était sa première chanson à vie, fabriquée dans FL Studio, le logiciel pour faire de la musique. Et l'autre avant, c'était celle qu'il préférait dans sa carrière jusqu'à maintenant. Donc, allez retrouver les deux sur assemblagerequis.com. Plus de chiptune tantôt, mais avant ça, du contenu un peu. Voici Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec la nouvelle des prothèses bioniques dotées d'un sens du toucher. Des chercheurs ont créé un capteur capable de détecter le degré de pression exercée et de transmettre cette information à des cellules cérébrales. Un pas important vers la création d'une peau artificielle susceptible de véhiculer des sensations et de rendre les prothèses bioniques encore plus humaines. Le toucher est un sens d'une extrême complexité que les chercheurs aimeraient pouvoir reproduire au moins partiellement afin de faire entrer la bionique dans une nouvelle ère. Les travaux menés depuis plusieurs années portent sur le développement d'une peau artificielle susceptible de véhiculer un minimum de sensations. À la clé des prothèses de membres qui amélioreraient davantage le quotidien des personnes amputées et qui permettraient également une robotique plus performante. Si les capteurs ont beaucoup progressé ces dernières années, notamment grâce aux nanotechnologies, l'un des principaux obstacles demeure dans la manière de restituer ces informations au cerveau. Une équipe de chercheurs de l'Université de Stanford aux États-Unis vient de publier un article dans la revue Science décrivant un capteur électronique souple qui peut transmettre au tissu cérébral d'une souris des signaux qui imitent avec une grande précision les messages envoyés par les mécanorécepteurs cutanés. Ces travaux sont menés par le professeur Zenan Bao, qui planche depuis de nombreuses années sur une peau artificielle souple capable de s'auto-réparer et de convoyer des informations vers le cerveau. Cette perspective... Et certes encore lointaine, mais la chercheuse vient de franchir une étape importante en répliquant l'un des aspects du toucher. Il s'agit du mécanisme sensoriel par lequel un humain sait distinguer le degré de pression exercée. C'est un peu comme le 3D Touch sur l'iPhone 6S. Hein? L'interface en question peut restituer la différence de pression entre l'équivalent d'une poignée de main ferme et une poignée de main molle. On déteste tout ça. Hein? Le capteur s'inspire des mécanorécepteurs de l'épiderme qui répondent à la pression externe en envoyant des impulsions électriques vers le cerveau qui va les interpréter. L'intensité de la pression détermine la fréquence des impulsions de quelques-unes par seconde jusqu'à plusieurs centaines par seconde. Pour expliquer le schéma, le professeur Bao et son équipe ont conçu un mécanorécepteur fait de plastique souple en deux couches à l'intérieur desquelles se retrouvent des petits piliers de caoutchouc de forme pyramidale qui contiennent des nanotubes de carbone conducteurs. Lorsqu'il n'y a aucune pression, le caoutchouc joue son rôle d'isolant et bloque la circulation du courant, mais dès qu'une pression est exercée, les nanotubes entrent en contact et conduisent alors l'électricité. Plus la pression sur le capteur est forte, plus le flux électrique est important et vice-versa. Pour récupérer et traiter cette information, les chercheurs ont eu recours à des oscillateurs en nano qui numérisent le signal électrique sous forme d'impulsion qui s'apparente à du morse. À l'instar des mécanorécepteurs, la fréquence des impulsions est corrélée à l'intensité de la pression. Mais une fois cette étape atteinte, il fallait ensuite prouver que ce signal peut être compris par le cerveau. Pour ce faire, l'équipe de Stanford s'est tournée vers l'optogénétique, une technique d'ingénierie qui sert à identifier les réseaux neuronaux et à stimuler les cellules de façon ciblée grâce à une lumière bleue qui active une protéine, la Chanel Rhodospin, présente, on dirait une poupée pour enfants, la Chanel Rhodospin. Présente dans ces cellules neuronales. Pour tester leur capteur, les scientifiques ont modifié génétiquement les tissus du cortex somatosensoriel, d'une souris, afin qu'ils réagissent à une lumière bleue pulsée par une photodiode recevant les impulsions électroniques des mécanorécepteurs artificiels. Ça commence à être trop compliqué pour moi, je vais arrêter là. Mais quand même, le principe est quand même intéressant. Une fois que c'est expliqué de façon plus compréhensible, ça va, mais une fois que ça va dans les détails, je me perds. L'électronique repose essentiellement sur les propriétés semi-conductrices du silicium, mais à l'heure de l'électronique jetable, ce matériau très stable pourrait rapidement devenir encombrant. Et bien pour le remplacer, les chercheurs travaillent sur une électronique biodégradable à base de matériaux organiques et désormais, suite aux résultats obtenus par des physiciens américains, à l'intégration de peptides en plein cœur des écrans, ce qui va mener à des écrans du futur biodégradables. Selon l'Université des Nations Unies, le poids des déchets électroniques et électriques n'en finit plus de battre des records. En 2014, près de 42 millions de tonnes de e-déchets, des déchets électroniques, se sont ainsi retrouvés dans nos poubelles. Et le cap des 50 millions de tonnes devrait être franchi en 2018. Les Américains, à eux seuls, jetteraient plus de 150 millions de téléphones mobiles par année. L'ennui, c'est que ces déchets contiennent entre autres des produits polluants et des métaux lourds qui peuvent avoir des effets néfastes tant sur l'environnement que sur la santé. Pour réduire le volume de ces déchets, les chercheurs de l'Université du Missouri proposent de développer des écrans à base de composants organiques pour rendre l'électronique jetable et biodégradable. Une idée déjà développée par de nombreuses autres équipes de recherche un peu partout dans le monde. Une nouvelle génération de composants électroniques capables de s'autodégrader relativement rapidement pourrait donc bientôt faire son apparition. Ainsi, il y a quelques mois, des ingénieurs américains avaient conçu des puces électroniques biodégradables à base de cellulose. D'autres ont développé une puce biocompatible en remplaçant le cuivre et l'argent, habituellement employés dans les circuits électroniques, par du magnésium, également conducteur mieux accepté par les organismes vivants et réactifs à l'eau. Le silicium a été mis en œuvre sous la forme de membranes très fines, susceptibles de se dissoudre rapidement, tout en conservant leurs propriétés semi-conductrices. Dans un article paru dans les colonnes de Advanced Materials Interfaces, les physiciens de l'Université du Missouri annoncent cette fois avoir mis au point la toute première couche active biodégradable. Cette nouvelle génération de matériaux hybrides développés à partir de structures organiques pourrait être utilisée pour la conception des écrans d'appareils portables du futur. Les structures organiques dont il est question ne sont autres que les peptides, c'est-à-dire des courtes chaînes d'acides aminés. À base de phénylalanine, oui, les peptides synthétisés par les auteurs de l'étude sont capables de s'auto-assembler en nanostructures et en nanotubes. En combinant des semi-conducteurs organiques de la famille des polyfluorènes avec ces nanostructures, les chercheurs américains ont obtenu un nanocomposite qui émet de la lumière bleue. On en parlait tantôt de la lumière bleue, hein, qui est utile à la conception de diodes électroluminescentes, les LED, et qui pourrait servir plus tard à l'élaboration d'écrans. Les chercheurs de l'Université du Missouri ont également découvert que l'utilisation de nanostructures peptidiques permettrait de réduire la quantité de polymères, de quoi atteindre d'ores et déjà une biodégradabilité de 85%. On a compris que c'est biodégradabilité. Hein? Voilà, donc l'article est sur assemblagerequis.com avec une petite vidéo là sur le fonctionnement des écrans LCD. Les personnes chez qui apparaissent les hallucinations arrivent plus facilement à donner du sens à des images ambiguës. C'est ce qu'ont montré des chercheurs britanniques dans une expérience réalisée notamment avec des patients ayant des signes précoces de psychose. L'étonnante performance du cerveau sujet aux hallucinations. La psychose est une maladie mentale qui se caractérise par une perte de contact avec la réalité. Elle est parfois associée à des changements dans la perception au point que l'individu voit ou ressent des choses qui ne sont pas réelles. Il y a des hallucinations qui peuvent s'accompagner de croyances irrationnelles. Les hallucinations visuelles sont particulièrement fréquentes dans la schizophrénie. Mais comment des personnes saines peuvent un jour être amenées à voir des hallucinations? Des éléments de réponse se trouvent dans la façon dont le cerveau peut interpréter la réalité. En effet, pour comprendre notre environnement, il nous faut nous approprier les informations du monde alentour, comme la taille d'un objet ou la distance à laquelle il se trouve, nous dit Futura Science. Pour y arriver, le cerveau doit interpréter des informations sensorielles parfois incomplètes. En utilisant les connaissances qu'il possède déjà sur l'environnement, il construit alors une représentation sûre, sans ambiguïté, du monde. Par exemple, en entrant dans une pièce, une forme noire se déplaçant rapidement peut être difficile à identifier, mais nos sens et nos connaissances préalables, comme on sait qu'il y a un chat dans la maison, mettons, peut permettre de reconstruire l'image et de reconnaître l'animal. Comme l'explique Christophe Teufel de l'école de psychologie de l'Université de Cardiff, je cite « La vision est un processus constructif. En d'autres termes, notre cerveau fabrique le monde que nous voyons. Le cerveau remplit les blancs et présente une image du monde adaptée à nos attentes. » Un cerveau capable de prédire une image et de la reconstruire facilement peut être un avantage, mais il n'est pas loin de percevoir des choses qui n'existent pas et donc d'avoir des hallucinations. Paul Fletcher du département de psychiatrie de l'Université de Cambridge affirme, je cite encore, « En fait, au cours des dernières années, nous avons pris conscience que ces expériences perceptives altérées ne sont en aucune façon limitées aux personnes atteintes de maladies mentales. Elles sont relativement communes sous une forme atténuée dans l'ensemble de la population. Beaucoup d'entre nous ont entendu ou vu des choses qui ne sont pas là. » Je pense qu'on peut tous le confirmer. Le confirmer, oui. Donc, dans cette recherche parue dans PNAS, les chercheurs ont voulu comprendre l'émergence de la psychose. Ils ont travaillé avec 18 patients reçus dans un service de santé mentale qui montrait les signes très précoces d'une psychose et 16 volontaires en bonne santé. Pour savoir comment les patients utilisaient leurs prédictions pour donner du sens à des situations ambiguës, les chercheurs leur ont montré des images en noir et blanc, comme celles qu'on montre dans l'article sur assemblagerequis.com. Les participants devaient, je vais vous la décrire un peu, c'est, tu vois, je sais pas si j'ai une psychose, là, mais moi je vois une face, un menton avec une bouche, hein, et puis peut-être des bretelles ou le début d'une chemise, tu sais, mais tout ça en noir et blanc est très très fade, si on veut. Les participants devaient trouver quelles images contenaient des personnages. Ensuite, ils ont regardé les images en couleur, dont certaines dérivaient des images en noir et blanc. Cette nouvelle information pouvait servir à comprendre les images en noir et blanc. Puis les participants ont vu à nouveau les images en noir et blanc et devaient dire s'ils voyaient un personnage ou non. Dans les deux groupes, il y a eu une amélioration des performances. Les sujets ont eu plus de facilité à retrouver les images avec des personnages, mais cette amélioration était plus importante chez les personnes qui avaient des signes précoces d'une psychose par rapport au groupe témoin. L'émergence de la psychose donnait donc un avantage pour accomplir cette tâche. L'expérience a été reconduite dans un groupe de 40 personnes en bonne santé, chez qui un test de personnalité schizotypique a été effectué. Ce test permet de savoir si certaines personnes sont plus susceptibles de développer une psychose. Là aussi, les personnes les plus prédisposées à la psychose semblaient mieux s'appuyer sur leurs connaissances préalables pour réussir l'exercice. Donc, en définitive, l'émergence des symptômes de la psychose serait liée à une modification dans la façon dont le cerveau interprète le monde. Donc, pour un des auteurs de cette recherche, ces résultats, je cite, suggèrent également que ces symptômes et ces expériences ne reflètent pas un cerveau brisé, mais plutôt un cerveau qui s'efforce d'une manière très naturelle de donner un sens à des données entrantes qui sont ambiguës. Ça, c'est fascinant pour moi. J'adore ça. Ensuite, on parle d'esprit ouvert qui aurait plus de talents musicaux. On en parlait en introduction d'émission. À travailler son instrument, c'est essentiel pour devenir un musicien accompli. Hein? Aucun euphémisme ici. Mais d'après les chercheurs en psychologie, la personnalité et plus particulièrement l'ouverture d'esprit jouerait aussi un rôle dans les capacités musicales. Vous pensiez que sans formation musicale, vous ne pouviez pas devenir la nouvelle star des émissions de télé-réalité. Ben voici que des chercheurs en psychologie vont vous redonner espoir puisqu'ils prétendent qu'un test de personnalité peut prédire si vous avez des talents musicaux cachés. D'après eux, la personnalité jouerait un rôle dans les capacités musicales, même chez les personnes qui ne jouent pas d'un instrument. Dans cette étude parue dans Journal of Research in Personality, des psychologues des universités de Cambridge et Goldsmiths avec la BBC ont recruté plus de 7000 volontaires pour une vaste étude portant sur la personnalité et les capacités musicales. Pour connaître les principaux traits de caractère des volontaires, les chercheurs ont utilisé le test Canoe, ou encore Ocean en anglais, qui attribue des scores dans 5 domaines de la personnalité. Big Five, représenté par les 5 lettres, E pour extraversion, énergie et enthousiasme, A pour agréabilité, altruisme et affection, C pour conscience, contrôle et contrainte, N pour émotion négative, nervosité, O pour ouverture, originalité et ouverture d'esprit. Des questions, je sais pas la différence entre ouverture et ouverture d'esprit, mais bon, que voulez-vous. Des questions portaient aussi sur l'expérience musicale des individus. Les chercheurs ont également testé les participants sur leur capacité musicale, leur mémoire mélodique et leur perception du rythme. Puis ils ont mis en relation les différents résultats. Les chercheurs ont alors trouvé que, à côté de l'expérience musicale, l'ouverture d'esprit était le trait de personnalité qui prédisait le mieux les capacités musicales. Les personnes ouvertes d'esprit ne sont pas fermées à de nouveaux modes de pensée, contrairement à celles qui sont plus bornées, qui souvent préfèrent la routine ou ont des valeurs un petit peu plus conventionnelles. De plus, le lien entre la personnalité et les performances musicales existait même chez ceux qui ne jouent pas d'instrument. Ainsi, des personnes qui avaient un talent musical pourraient ne pas en être conscientes. Wow! Si vous voulez faire le test vous-même, allez sur themusicquiz.org. C'est en anglais, themusicquiz.org, quiz avec un seul Z. Pour David Greenberg, principal auteur de ses travaux, je cite, « Ces résultats sont particulièrement importants pour les enseignants et les éducateurs qui peuvent utiliser ces informations-là sur la personnalité de leurs élèves pour voir qui pourrait le plus réussir dans des activités musicales variées. Il pense qu'un jour la science pourrait être en mesure d'identifier la personnalité et les facteurs cognitifs et neurobiologiques qui mènent au génie musical. » L'article s'inscrit dans une série d'études sur les liens entre les comportements musicaux et la personnalité. La même équipe qui avait publié dans PLOS ONE un article montrant que les préférences musicales des individus étaient liées à leur mode de pensée. Et finalement, le constructeur automobile nord-américain Ford s'est associé à Procter & Gamble pour un projet de biomimétisme inspiré des formidables propriétés d'adhérence des pattes des geckos. L'idée est de produire des colles et autres adhésifs pour l'industrie automobile qui soient plus respectueux de l'environnement. Les petits lézards de la famille des geckos sont dotés d'aptitudes uniques leur permettant de grimper et d'adhérer à n'importe quelle surface. C'est pourquoi ces scientifiques ont décidé de les étudier en vue de développer des colles plus durables et de meilleurs systèmes de recyclage. Même si les scientifiques se sont déjà penchés sur les aptitudes de ces lézards, c'est la première fois que la production d'automobiles étudie ces petits reptiles en vue d'améliorer les performances environnementales d'une industrie très polluante. Ford a annoncé travailler avec la firme Procter & Gamble sur un projet de biomimétisme qui va essayer d'imiter les capacités des geckos à adhérer aux surfaces sans laisser de traces ni de résidus. Les colles et autres adhésifs sont beaucoup utilisés dans la production des véhicules, mais ils sont puissants et représentent un frein au recyclage des voitures mises au rebut. De la même manière que la résistance et la complexité des toiles d'araignée fascinent et inspirent les scientifiques et les ingénieurs, la capacité d'adhérence du gecko capable de supporter jusqu'à 133 kg, soit environ 190 fois son poids, qui est de 71 grammes en moyenne. C'est une source intarissable de recherche. Lee Ellen Dreschler de Procter & Gamble se félicite de cette opportunité en disant, je cite, « Nous avons un intérêt à recourir au biomimétisme en vue d'élargir notre approche pour résoudre d'importants défis de recherche. » Par le passé, l'étude approfondie des moustiques a permis d'améliorer les aiguilles médicales, tout comme les recherches concernant le martin pêcheur qui ont permis de mettre au point le train japonais le plus rapide du monde. Wow! Le biomimétisme, ça, c'est imiter les animaux pour faire des choses pour nous, les humains. Hein, faire avancer la technologie, on adore ça. Voilà pour Merci Science. Est-ce qu'on s'en va entendre? Je crois qu'on s'en va entendre une troisième pièce de I Am Source, mais j'ai tout mis ça dans le même coin, faut croire. J'ai eu une obsession, je pense, avec I Am Source. En fait, je les ai mis au début de l'émission pour m'assurer de les jouer. C'est ce que je fais d'habitude, je mets les pièces que j'aime le plus au début de l'émission. Ça. Et ces trois-là, ben, ça donne à être les meilleurs que j'ai entendus pendant la semaine. Donc voici I Am Source et Mountain Doomsday. On recommence ça. Mountain Doomsday. Non, mais même pas. Comme Mountain Dew, comme la liqueur. Mais ensuite Doomsday Zone. Donc ça fait Mountain Doomsday Zone. Voilà! Oh! MPS de Mathieu Planchot sur C'est fou. Que je vais être capable de dire le titre du premier coup. Mountain Doomsday Zone par I'm Source. Ouais, je l'ai eu. Bravo à moi. Bravo, petit tabando. Alors, Mathieu Planchot, oui, et toujours, au Mathieu Planchot, on parle de technologie ensemble, on parle de choses geek, et maintenant, ben, c'est le moment du segment spécifiquement geek. C'est Nix. C'est Nix, la chronique de la vie du geek, la radio. www.dash-dash.com. Je sais pas si cette chronique-là est plus geek que les autres. Il me semble que Merci Science était pas mal geek tantôt, mais celle-là parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, et non pas de médecine et de science. Commençons par Smart Halo qui transforme votre vélo en vélo intelligent. Un article de Radio-Canada. Ils sont passionnés de vélo et le produit qu'ils s'apprêtent à mettre sur le marché suscite beaucoup d'intérêt chez les cyclistes urbains. C'est un produit qui vit sur le guidon du vélo et qui est connecté à l'application mobile qu'ils ont développée. Le directeur des affaires de l'entreprise, Xavier Pêche, estime que Smart Halo transforme le vélo en vélo intelligent. Fixé à la potence, Smart Halo est un simple cercle lumineux qui s'active dès qu'on s'approche du vélo avec son téléphone. Dans l'application mobile, il suffit d'entrer l'adresse de l'endroit où on veut aller et Smart Halo nous guide de virage en virage pour se rendre à destination. Le cercle lumineux vous guide dans votre déplacement et il prévient à l'approche d'un virage et d'un changement de direction. Et ça donne également une idée de la distance qui reste à parcourir. Plus la circonférence du cercle s'illumine, plus on s'approche. Lorsque le cercle est complet, le cycliste arrive à destination. Hein? L'appareil peut également prévenir le cycliste si quelqu'un tente de le joindre au téléphone. Et lorsqu'on s'éloigne du vélo, Smart Halo se transforme en système d'alarme. Tout ça se fait automatiquement. Ça coûte un petit peu plus de 100$. La technologie proposée par le groupe d'entrepreneurs montréalais a connu un succès instantané sur les plateformes de socio-financement, récoltant un demi-million de dollars en seulement quelques semaines. Allez voir une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Un premier café entièrement robotisé ouvre ses portes à Dubaï. Bon, on n'est peut-être pas si loin du café 80 de Retour vers le futur 2, nous disent-ils. En effet, après les restaurants et les hôtels automatisés, le café Bot, premier café entièrement robotisé, vient d'ouvrir ses portes à Dubaï. Au Café Bot, vous ne trouverez personne derrière le comptoir. Il n'y a que vous et un bras automatisé pour vous servir votre breuvage. Une stratégie qui permet de faire des économies au niveau de la main-d'œuvre, bien sûr, et limiter le gaspillage. Mais on nous demande, est-ce que ça peut survivre à l'absence totale de contact humain? Probablement, parce que je pense que la dernière affaire qu'on veut quand on se fait servir un café à très tôt le matin, c'est du contact humain. Sauf à Chasse-Galerie, le café humain. Le contact humain, ce serait bien apprécié. Pas qu'il n'y en a pas. C'est que je l'apprécie particulièrement. C'est, je veux juste m'assurer qu'on me comprenne bien. Ensuite, avancer dans l'analyse des empreintes digitales grâce à un chercheur cambriolé. Un chercheur australien dont le domicile avait été cambriolé a cherché à mettre au point une nouvelle technique pour relever les empreintes digitales sur les scènes de crime. Ce nouveau procédé, je pense que j'ai dit tantôt empreinte numérique. Hein. Je veux tellement m'assurer dans mon cerveau que le mot digital, lorsqu'il est utilisé en français, qui est complètement faux en disant digital parce que le mot c'est numérique, qu'on dirait que mon cerveau processe le mot digital tout le temps en numérique. Donc empreinte digitale. Hein? Ce nouveau procédé consiste à passer un faisceau d'ultraviolet sur les empreintes digitales après avoir appliqué une goutte d'une solution contenant du cristal sur la surface à analyser. C'est désormais possible grâce à la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, le CIRO, l'Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle, et au cambriolage dont leur spécialiste des matériaux, le Dr. Kang Liang, a été victime. Dans son laboratoire du CIRO, Liang n'a eu de cesse d'étudier de nouvelles méthodes d'identification par les empreintes digitales sur les scènes de crime. Je cite, lorsque ma maison a été cambriolée, j'ai pu constater à quel point le relevé d'empreintes, oui, était une pratique répandue chez la police. Il n'avait jamais écouté la télé, je pense, lui. Quand je suis rentré chez moi après une longue journée de travail, les tiroirs étaient ouverts et leur contenu avait été vidé un peu partout. Certains de mes objets préférés avaient disparu. La police a appliqué une poudre sur les surfaces à analyser, mais aucune empreinte n'a été trouvée. C'est là que je me suis dit, citation en dedans de la citation, et si j'utilisais certains des matériaux dont je me sers au laboratoire pour mettre au point une procédure de relevé d'empreintes potentiellement plus efficace. Fin de la citation de la citation et fin de la citation qui contenait la citation. Hein? Le recours aux empreintes comme moyen d'identification remonte à la période babylonienne en 1750 avant J.C., mais il a fallu attendre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle pour que la pratique, oui, se généralise. L'application de poudre pour relever les empreintes était une technique que Sherlock Holmes, le personnage d'Arthur Conan Doyle, utilisait couramment, avant même que la méthode ne se répande chez les vrais détectives. T'es en train de dire que c'est pas un vrai, ça? Les avancées australiennes sont cependant bien éloignées des méthodes où l'on versait de l'encre sur une empreinte que l'on prélevait ensuite avec une bande adhésive. L'étude publiée dans la revue Advanced Materials montre que le minuscule cristaux se fixe rapidement aux résidus de l'empreinte, protéines, peptides, acides gras et sels notamment, pour créer une couche ultra fine. réplique exacte du modèle. Ce procédé est très précis car il fonctionne au niveau moléculaire, depuis il réduit le risque de détérioration de l'empreinte. Je cite, bien que la police et les experts médico-légaux utilisent... j'aime ça, médico-légaux, c'est comme un ensemble de quêtes à monter, mais de médecins, c'est médico-légaux. Utilisent différentes techniques, les preuves de certaines affaires complexes doivent parfois être envoyées en laboratoire où elles sont soumises à un traitement thermique sous vide. Notre méthode permet de réduire ces étapes et, puisqu'elle est effectuée sur le terrain, de disposer d'un dispositif numérique directement sur la scène du crime. Les images sont alors capturées et envoyées sur la base de données en temps réel. Magnifique. Maintenant, le bureau modulable de demain imaginé par le MIT. Et si le bureau de demain était modulaire? C'est en tout cas l'idée du Tangible Media Group dirigé par Horoshi Ishii au sein du MIT. Avec son équipe, ils ont développé un bureau qui s'adapte physiquement à vos besoins. Comme on peut le voir dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, comme vidéo, je vous la conseille. Transform est un bureau composé de petits pics se levant et s'abaissant en fonction de trois scénarios possibles. Je définirais pas ça comme des pics, je dirais que c'est plus, on dirait, des cubes de sucre. Mais en hauteur, très très haut. Bref, le mode vague va suivre les mouvements des mains. Le mode machine va prendre des formes prédéfinies, ce qui permet par exemple d'imaginer des configurations adaptées à vos besoins, comme une partie surélevée pour votre ordinateur ou votre écran, un cylindre vide comme pot à crayon, un socle à iPhone. Et le dernier mode, Escher, c'est Escher? Je crois que c'est qui? C'est MC? Chose Escher, le truc où les... C'est la peinture, là. Genre, que tu sais pas qu'est-ce qui est par en haut, qu'est-ce qui est par en bas, puis les gens marchent, puis là, ils montent les escaliers, mais en même temps, ça descend d'autres choses. C'est là, c'est ce genre de toile-là. Bref, le mode, ça, là, démontre la souplesse du logiciel en faisant se balader une balle rouge sur la surface du bureau. Vraiment très, très, très cool à voir. Une machinerie complexe, il y a des millions de moteurs qui sont contrôlés grâce à un ordinateur. La technologie utilisée est en fait la même que celle de Inform, une autre prouesse réalisée par le Tangible Media Group en 2013. Au départ, cette technologie servait avant tout à reproduire les mouvements du corps humain. Ceux-ci étaient captés par Kinect et reproduits sur un tableau motorisé, inspiré du Pin Art. Petit à petit, les chercheurs ont expérimenté de nouvelles possibilités, dont ce bureau modulaire. Les chercheurs avaient dévoilé il y a quelques semaines une vidéo montrant comment ce système pouvait également permettre d'assembler différentes pièces. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Je vous le décris un peu, là, j'ai dit tantôt des cubes de sucre. Donc la fille arrive pour poser son iPad sur le bureau et les cubes de sucre, imaginez-les, se monter de la table, donc pic par pic. Et puis ça fait un socle pour son iPad. Et là, elle met des crayons sur le bureau et plus plus les cubes montent pour faire un pot et les crayons s'embarquent eux-mêmes dans le pot autour des crayons. Le pot se construit autour du crayon. C'est un peu difficile à imaginer à la radio, mais allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. C'est bien sûr l'émission numéro 93. Le New York Times en réalité virtuelle sur les casques Google Cardboard. Le New York Times va distribuer plus d'un million de casques en carton Google Cardboard à ses abonnés pour leur permettre de visionner des productions en réalité virtuelle, annoncé le quotidien dans un communiqué. Et non pas dans le journal parce que personne n'aurait lu. Dans le cadre de partenariat avec, entre le groupe de presse et le géant d'Internet, les abonnés à l'édition papier du week-end recevront le casque en carton avec l'édition des 7 et 8 novembre. Pour ça, c'est vraiment cool parce que ça coûte de l'argent, le Google Cardboard. Certains abonnés en ligne, ainsi que tous les abonnés au service Premium Times Insider, le nombre de fois que j'ai passé à travers elle, ça c'est le titre en français de Times Insider, pour ceux qui comprennent l'anglais, recevront eux un code promotionnel leur permettant de recevoir un casque. Le casque qui vaut 4$ dans le commerce est un peu... juste 4$ en plus le shipping. Ils n'ont pas inclus le shipping. Et est un petit objet en carton avec lunettes intégrées. L'utilisateur y accroche son smartphone dans le fond pour visionner des images en réalité virtuelle. Dans le cadre de sa nouvelle activité NYTVR, donc New York Times Virtual Reality, le New York Times a déjà produit un film sur les réfugiés de guerre intitulé The Displaced, qui pourrait être visionné grâce au dispositif de Google, mais aussi ailleurs en deux dimensions. D'autres vidéos du New York Times utilisant la technologie de la réalité virtuelle pourront également être visionnées dans les mois à venir, a indiqué le groupe. Très, très, très, très, très excellente idée. J'ai jamais essayé le Google Cardboard parce que quand même j'ai pas d'Android, blablabla, vous le savez, je suis du côté d'Apple. Hein. Mais quand même, je trouve ça vraiment cool, j'aimerais ça l'essayer un jour. Le MIT développe un algorithme capable de remplacer l'intuition humaine. Les efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle s'intensifient. Le MIT a présenté ses derniers travaux en la matière basés sur l'intuition. Les algorithmes d'aujourd'hui sont en mesure de traiter d'énormes quantités de données pour, par exemple, repérer des anomalies et enclencher certaines actions. Des chercheurs du MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, souhaitent aller un peu plus loin dans leurs travaux sur l'intelligence artificielle afin d'ajouter à ces algorithmes une dimension proche de l'intuition humaine. Les chercheurs du Laboratoire des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle expliquent qu'il y a certaines données masquées qui ne sont aujourd'hui pas traitées par les algorithmes. Dans une base de données contenant les dates de début et de fin de période promotionnelle, ainsi que les profits hebdomadaires, les données cruciales ne sont pas forcément les dates elles-mêmes, mais la période qui sépare chacune d'entre elles. Aussi, plutôt que d'analyser les profits globaux, il pourrait être intéressant de calculer leur moyenne et de corréler ces informations. Ces analyses sous-jacentes sont aujourd'hui davantage perceptibles par les humains. Le MIT a donc tenté de s'inspirer de cette forme d'intuition humaine avec un nouveau logiciel qui s'appelle Data Science Machine. Pour tester ce dernier, divers scénarios ont été mis en place ainsi que plusieurs équipes. Au travers de 3 manches, le nouvel algorithme a réussi à battre 615 des 906 équipes d'humains. Sur les 3 tranches, les prédictions se sont avérées juste à 94, 96 et 87%. Toutefois, si les humains ont passé des jours, voire des semaines à rédiger leurs conclusions, il n'a fallu qu'entre 2 et 12 heures pour Data Science Machine. Ces travaux sont présentés par le chercheur Kalyan Viramachaneni à l'occasion de la conférence IEEE International. Maintenant, le cyborg qui peut entendre les couleurs. Quand la technologie vient en aide au corps humain, les résultats sont parfois surprenants. C'est par exemple le cas de Neil Harbison. À sa naissance, Neil Harbison était complètement daltonien. C'est un chien. Il voit le monde en noir et blanc, ou plutôt en nuances de gris. Mais pour mieux comprendre les différences perçues par les personnes non atteintes de cette anomalie, il s'est transformé en une espèce de cyborg. En 2004, l'homme a décidé de se faire implanter une antenne directement dans la boîte crânienne. Cette dernière est recourbée sur toute la longueur de la tête et surmontée d'un boîtier un peu spécial. Un capteur est ainsi en mesure de repérer les couleurs aux alentours puis de les transposer sous la forme de sons. Une tonalité spécifique représente ainsi une couleur en particulier. Ces sons sont transmis via une conduction osseuse afin que son cerveau puisse les interpréter. Le magazine Business Insider qui rapporte les propos de monsieur... C'est encore le même magazine! Ah non! C'est un autre, mais faire des affaires à l'intérieur d'elle. Business Insider, qui rapporte les propos de... Je me trouve tellement drôle avec ce gag-là. Je devrais le refaire ailleurs, à un public anglophone. Donc, il explique que c'est un implant. C'est donc attaché de manière permanente. Il n'y a aucun moyen de l'enlever. Mais au-delà de transcrire simplement les couleurs visibles par tout le monde, cette antenne est également en mesure de capter les rayons infrarouges et ultraviolets, normalement non perceptibles par l'œil ou l'oreille humaine. En outre, il peut recevoir des couleurs par Bluetooth plutôt que d'analyser celles en face de lui. Pour Monsieur Harbison, l'un des points intéressants de cette expérience est la réaction des gens témoignant de l'impact des technologies dans notre société. Je cite, « En 2004, les gens pensaient que c'était une lampe torche. Plus tard, en 2006, ils se demandaient si c'était un microphone ou un dispositif de messagerie. En 2009, ils pensaient que c'était un téléphone main libre. Maintenant, les gens croient que c'est un dispositif similaire à Google Glass. » C'est comme une antenne, comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, mais c'est peut-être pas clair, qui a l'air de sortir de derrière la tête. Ensuite, c'est un cerceau un peu comme un câble pour attacher un vélo, là, torsadé un peu, et qui va jusqu'en avant, c'est une courbe, jusque dans le front, et ça va au-dessus des yeux, c'est une petite... un embout, on dirait un bout de doigt, avec une petite caméra au bout. Bref, est-ce que c'est assez bien décrit? Je sais pas. En 2010, l'homme a créé la fondation Cyborg, laquelle effectue des recherches scientifiques sur les manières de marier les technologies au corps humain. Amazon teste des livraisons avec les porteurs de journaux. On passe aux nouvelles du présent et non pas les nouvelles du futur. Amazon qui veut livrer des colis en même temps que les journaux. Il s'associe à quelque chose de vraiment arriéré, par contre. eBay publie de solides résultats après son divorce avec PayPal. ESPN réduit ses effectifs. C'est parce que c'est une nouvelle en bref, il y avait plusieurs nouvelles dans le même article. Amazon qui mise donc sur les sociétés de portage de journaux pour réduire les coûts de livraison. Selon le Wall Street Journal, Amazon a testé des livraisons en association avec la société de portage de journaux du groupe de presse Tribune à Chicago. Le test a duré 2 semaines. Si cette expérience est concluante, ça pourrait aider Amazon à réduire ses coûts de livraison qui ont augmenté de 28% au premier semestre de cette année pour atteindre 4,6 milliards de dollars. Ce qui me surprend, c'est que Amazon n'arrête pas de baisser, de modifier la limite de montant. Ben pas, ils n'arrêtent pas, mais ils l'ont fait plusieurs fois, de modifier la limite d'argent que ça prenait, qu'il fallait payer pour avoir une livraison gratuite. Peut-être que si la limite était un petit peu plus élevée et que le reste devait payer du shipping, peut-être que ça baisserait le nombre de ventes qu'ils font sur Amazon, mais peut-être que ça augmenterait leur profit. Donc, tu sais, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre le prix minimum pour avoir une livraison gratuite et les profits qu'ils veulent faire. C'est une science, tout ça, je pense. Une très très bonne nouvelle maintenant, le codage informatique qui va bientôt être enseigné dans les écoles de la Nouvelle-Écosse. C'est une antique au ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse. Le codage informatique sera enseigné aux élèves de la province l'an prochain pour les initier à cette technologie omniprésente dans le monde contemporain. Déjà, les notions informatiques de base sont enseignées aux élèves de la maternelle à la troisième année. Le ministère voudrait maintenant que les jeunes néo-écossais puissent aussi créer des programmes informatiques. On a organisé un atelier sur le codage auquel ont participé 600 élèves dans l'école secondaire de la province. Dans des écoles, oui, secondaires de la province, ce n'est pas juste une, même si c'est petit. L'événement coïncidait avec un congrès sur la technologie. Le but était d'intéresser les jeunes à la programmation informatique. L'informatique, on sait, c'est omniprésent dans la vie des jeunes Canadiens qui ne sont jamais très loin d'un ordinateur, de tablette ou de téléphone intelligent. Mais la plupart des jeunes ne savent que se servir de programmes ou d'applications conçus pour eux. Ils seraient incapables pour la plupart d'écrire eux-mêmes ces programmes. On entend tout le temps les gens qui disent « Ben là, c'est donc facile de faire une application pour pouvoir, je sais pas, feuilleter le zone campus ou pour voir les titres des chansons qui jouent assez fou. » Ouais. Avez-vous les dizaines de milliers de dollars que ça prend pour faire une application? C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus cher que les gens pensent, mais les gens pensent que ça se fait en claquant des doigts. Mais non, malheureusement, il faut beaucoup de talent. Donc, les élèves présents à l'atelier, comme Tom Billard de Lockview High, voyaient de bon oeil ce projet du ministère en disant « Oui, je pense que ce serait une bonne chose, blablabla, on s'en fout des témoignages des gens. Pourquoi est-ce qu'on met des témoignages des gens dans les articles? On s'en sac de ce que les gens pensent. » Les Canadiens dépensent plus pour les données sur leur cellulaire et Internet, selon la presse canadienne. Les Canadiens donc dépensent de plus en plus pour leurs services de communication, une tendance expliquée par la hausse des dépenses pour les services sans fil et Internet en raison de la popularité croissante de services de diffusion en ligne comme Netflix. Dans un rapport publié récemment, le CRTC, ça c'est nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qu'on salue et qu'on donne des petits bisous dans le cou, a indiqué que les ménages ont dépensé en moyenne 203$ par mois en 2014 pour leurs services de communication, une hausse d'environ 12$ par mois ou 6,2% par rapport à 2013. Les services sans fil et Internet sont principalement responsables de cette hausse, avec des augmentations respectives de 14 et de 10%, a indiqué le CRTC dans la première section de son rapport sur l'état de l'industrie canadienne des communications. Le CRTC a aussi indiqué que pour une première fois, les Canadiens s'abonnent plus exclusivement aux services sans fil mobile qu'exclusivement aux services téléphoniques terrestres, donc 20% contre 14%. Et au cours des 5 dernières années, le pourcentage de Canadiens qui ont accès à une vitesse de téléchargement de 5 mégasecondes a augmenté de 86 à 96%. La transition vers les services vidéo en ligne a été rapide, alors que le taux d'abonnement à Netflix parmi les personnes âgées de 18 à 34 ans est passé de 7% en 2013 à 24% en 2014 chez les francophones et de 29 à 58% au cours de la même période chez les anglophones. L'écoute de la télévision traditionnelle est restée plus ou moins inchangée, glissant à 29 heures par semaine en 2014 par rapport à 29,8 en 2011. Cependant, les chiffres varient de manière significative entre les groupes d'âge. On dit que les Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont passé seulement 20 heures par semaine à regarder la télé traditionnelle, comparé à 42 heures chez les Canadiens de 65 ans et plus. Les revenus totaux de l'industrie des communications sont passés de 63,2 milliards de dollars en 2014, une hausse de 2,1% par rapport aux 61,9 milliards en 2013. OpenMedia.ca, qui est un organisme sans but lucratif de défense des droits des consommateurs, a déclaré que le rapport démontre que le Canada a encore du chemin à faire pour offrir des solutions abordables en matière de télécommunications. On note que les résultats de ces prix... on va devoir lire la petite citation ici. Donc, je cite, « Encore une fois, le rapport confirme que les Canadiens continuent de payer parmi les prix les plus chers au monde, dans le monde industrialisé, bien sûr, particulièrement pour les services sans fil. Avec la hausse des prix de télécommunications, les Canadiens regardent vers le gouvernement libéral nouvellement élu pour se pencher sur les prix de plus en plus inabordables de services essentiels. On note que les résultats de ces prix étaient que seulement 2/3 des résidents à faible revenu au Canada avaient des téléphones cellulaires, comparativement à 96% des résidents à revenus élevés. L'écart est de 59% contre 98% en ce qui concerne l'accès à Internet entre les deux classes. » Lors des prochaines semaines, le CRIC, CRTC, publiera des données concernant le secteur des télécommunications, suivi des renseignements au sujet du secteur de la radiodiffusion. Et devinez quoi, on va évidemment en parler ici même au Mathieu Plancho, parce que c'est ce qu'on fait! Voilà pour le bloc CNX maintenant, le top, comme toujours depuis quelques semaines, le top 9 des jeux vidéo les plus loués dans les clubs vidéo, pourquoi pas. En 9e, FIFA 16 sur la PS4, en 8e, Super Mario Maker sur la Wii U, en 7e, Destiny The Taken King Legendary Edition sur la PS4, en 6e, Forza Motorsport 6 sur la Xbox One, en 5e, Uncharted The Nathan Drake Collection sur PS4, en 4e, NHL 16 sur Xbox One, en 3e, Dragon Quest Heroes The World's Trees sur PS4, en 2e, NHL 16 sur PS4 et en 1ère, c'est Yoshi's Woolly World sur la Nintendo Wii U. Oui, encore un jeu de Wii U au sommet, j'adore ça, je capote. Voilà, c'est tout pour CNX. On va prendre une petite pause chiptune, pourquoi pas l'entendre une pièce musicale. Hein? On était rendu à une pièce de Aranax qui s'appelle Go. On écoute ça, NPS, le Mathieu Plante Show, c'est fou. 89. We'll be right back. Un habitué de l'émission Power Supply avec Super Flying Ice Cream Truck to Even Truckier au Mathieu Blanchot. Maintenant, c'est le moment de passer à notre série musicale. Vous savez, depuis toujours, en fait, on fait des séries musicales. On parle d'une série, on l'écoute pendant plusieurs semaines. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre quelque chose d'un petit peu plus spécial. Hein? C'est la sortie qui vient en fait d'arriver de Super Meat Boy, édition 5e anniversaire. Danny Baranowski a refusé de donner la permission d'utiliser sa trame sonore originale de Super Meat Boy pour l'édition 5e anniversaire qui sort sur les plateformes PlayStation. Donc Team Meat, l'équipe derrière ce jeu très populaire Super Meat Boy, avait beaucoup de travail à faire. Ils ont donc collaboré avec Ridiculon, Scatol et Laura Shigihara. Ils ont créé une toute nouvelle trame sonore pour le jeu. Et Tommy Refinis de Team Meat a élaboré là-dessus sur son blog en disant « Merci à tout le monde d'avoir rempli les grands souliers de Danny Baranowski » qui, après le refus, évidemment, il parle pas du refus dans l'article, dans sa petite citation. Il dit juste « Vous avez fait du très bon travail, la trame sonore est géniale, bla bla bla. » Il pouvait pas vraiment parler contre Danny Baranowski. Donc, après le début du jeu sur PlayStation 4 et PlayStation Vita et son service PlayStation Plus, pendant le mois d'octobre, on peut écouter et donc, écoutez la nouvelle trame sonore. Et si vous n'êtes pas inscrit à PlayStation Plus, Laura Shigihara, Ridiculon et Scatol ont chacun sorti leur version de la trame sonore, donc leur pièce individuelle, en tant qu'album. Chacun sur leur page Bandcamp. On peut même écouter la version de la trame sonore originale de Danny Baranowski sur sa page Bandcamp et comparer quelle pièce était utilisée dans quel tableau. Bref. Donc, la trame sonore est sortie depuis quelques semaines déjà et on va écouter les premières pièces de chacun des albums pendant les prochaines semaines. C'est cool, ça? Donc, on va commencer par Laura Shigihara, elle qui a sorti seulement 4 pièces pour la trame sonore du 5e anniversaire de Super Meat Boy. Donc, on va entendre les 4 aujourd'hui et la semaine prochaine, on entendra les 4 premières de Ridiculon, ensuite les 4 premières de Scatol et l'autre semaine après, les 4 pièces de Danny Baranowski, la version d'origine de Super Meat Boy. Ça vous va? C'est correct, ça? Donc, on écoute tout de suite la première pièce de Laura Shigihara. Voici Cotton Candy pour le tableau Cotton Alley Light. Au Mathieu Planchot, c'est la série musicale. Thank you. Vive les Bandcamp qui partagent tout ça. Donc, Cotton Alley Dark Menu, précédé de Bandage Girl Boogie, Cotton Alley Dark, précédé de Cotton Alley Light Menu, précédé de Cotton Candy, Cotton Alley Light. Whew, hein? Sur la trame sonore Super Sweet Boy, Music from Super Meat Boy 5th Anniversary par Laura Shigihara au Mathieu Plante Show. Oui, ça, c'est les quatre pièces qui sont dans l'album du 5e anniversaire de Laura Shigihara en hommage à Super Meat Boy, parce que la trame sonore d'origine n'a pas eu la permission d'être diffusée dans la nouvelle version 5e anniversaire de Super Meat Boy. Est-ce que c'est clair? Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. Bref, c'est un jeu vidéo Super Meat Boy, c'est super cool. C'est un jeu très très 2D rétro, gauche droite, super difficile, puzzle, avec un bonhomme fait de viande. Il est fait en viande, c'est comme ça. Et je me suis dit, tant qu'à entendre les quatre pièces qui avaient rapport avec le chapitre 7, hein, c'était donc Candy Alley, si je l'ai dit correctement 10 fois tantôt, Cotton Alley, maudit, je l'ai dit 5 fois correctement. On va aller entendre la version d'origine par Danny Baranowski, tu sais, celui qui a refusé que ses pièces soient utilisées dans la version 5e anniversaire comme un ingrat personnage. Mais on va quand même écouter sa pièce tout de suite sur son album lui-même de la trame sonore d'origine, McLarty Party People, Chapter 7 Levels. On écoute ça, c'est la version originale. Comparez-la avec ce qu'on vient d'entendre. D'accord? Check this out. Smooth Alligator. Avec la pièce In The Lab, construite dans LSDG encore, pour ceux qui se demandent comment on fait du chiptune, je vous dis les noms des logiciels. Mais Nanti, hey, c'est le moment de faire cet un feat avec les jeunes, toi je vais chanter un peu. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, Technician, la chronique dans laquelle on retourne en arrière dans le passé pour voir ce qui s'est passé à travers l'histoire dans le monde de la technologie, de l'informatique, des jeux vidéo. Commençons le 12 octobre, c'est là qu'on était rendu. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, oui, a été publié pour la première fois en livre en 1979. Ensuite, en 2001, une ère s'est terminée pour la Polaroid Corporation qui a fait faillite. Suivi évidemment par les boutiques de photos d'une et les caméras numériques, Bank One a acheté presque toute la compagnie et a relancé une autre compagnie sous le même nom de Polaroid, mais c'est pas la même origine. En 2003, Adam Curry a posté un Apple script nommé RSS to iPod qui prenait les MP3 téléchargés via RSS dans un dossier et les transférait automatiquement via un iPod connecté. Christopher Lydon et son émission Radio Userland ont été utilisés comme premier exemple. C'est évidemment ce qui a mené vers les podcasts, les balado-diffusions. En 2005, après nous avoir assuré que presque personne ne voulait regarder des vidéos sur un iPod, Steve Jobs a complètement changé d'idée et Apple a commencé à rendre disponibles les vidéos sur iTunes. C'était ABC Disney qui était le premier réseau de télé disponible à ce moment-là. On pouvait avoir les épisodes de Lost et de Desperate Housewives le lendemain de leur diffusion. Ensuite, le 13 octobre 1884, les géographes et astronomes ont adopté Greenwich comme Prime Meridian. Donc, c'est devenu le standard international pour une longitude de zéro. Aujourd'hui, l'observatoire de Greenwich envoie ou tire un laser vers le nord la nuit pour indiquer le méridien. Donc, ce n'est pas un laser dangereux, nous dit-on. En 1983, Bob Barnett, le président de Emeritech Mobile Communications, a appelé Alexander Graham Bell, Alexander Graham Bell, à partir du Chicago Soldier Field en utilisant un téléphone Motorola Dynatac. C'était la première fois qu'on faisait un appel par téléphone cellulaire aux États-Unis. En 2000, Tristan Louis a suggéré à ce qu'on ajoute des étiquettes audio et vidéo aux spécifications RSS de la version 0.92, ce qui a mené aux enclosures, ce qui permettait aux fichiers médias d'être livrés par fil RSS, et ça a mené encore une fois, comme tantôt, vers la balado-diffusion et la diffusion automatique de MP3 par fil de nouvelles. Le 14 octobre 1884, l'inventeur américain George Eastman a reçu un brevet pour son nouveau film photo en petite bande de photos. C'est évidemment ce qui a régné pendant plus de 100 ans, jusqu'à ce que les photos numériques changent tout. En 1977, l'Atari 2600 est sorti aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord au complet. C'était disponible chez les magasins Macy's et Sears à partir du 11 septembre 1977. Le 15 octobre 1878, l'Edison Electric Light Company a débuté. Plus tard, ils allaient devenir plus général, comme dans General Electric. Ils ont commencé à faire partie de General Electric, mais au début, c'était The Edison Electric Light Company. Le 16 octobre 1923, le distributeur M.J. Winkler a été sous contrat pour distribuer Alice Comedies. C'était la première fois qu'on a fondé le Disney Brothers Cartoon Studio pour ça. Et éventuellement, ça a changé de nom pour devenir Walt Disney Company à la suggestion de Roy. Donc, c'est ça. C'est devenu Walt Disney Company. Après 1923. Non, en fait, en 1923, c'était la fondation de Disney Brothers Cartoon Studio. On n'a pas la date pour le changement à Walt Disney Company sur le site. J'imagine que c'est facile à trouver, mais j'ai pas le temps. Ensuite, le 17 octobre 1907, Guglielmo Marconi. Sa compagnie a commencé le service radio commercial par onde sans fil. Et le Canada faisait partie de la première. Donc, à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, on a pu transmettre jusqu'à Clifton, en Irlande. Le service était utilisé c'est un service de télégraphe transatlantique. Voilà. En 1990, Cole Needham a posté des logiciels sur rec.art.movies. Qu'il appelait à ce moment-là rec.art.movies movie database. C'était une liste de films qui était cherchable. Ça a déménagé sur le web plus tard en 1992 et c'est devenu évidemment l'Internet Movie Database, l'IMDB. Hein? Mais ça a commencé en 90 sous rec.art.movies movie database. En 2013, Microsoft sortait Windows 8.1, une mise à jour gratuite du système d'exploitation Windows 8 qui, entre autres, ramenait le très adoré bouton démarrer. Ensuite, le 18 octobre 1922, 6 compagnies de télécommunications se sont assemblées avec la British Broadcasting Company pour fournir des diffusions radio en Grande-Bretagne. La compagnie privée a plus tard été remplacée par une compagnie, on dit non-commercial, je sais pas en français le terme, mais c'est une compagnie publique, je crois, la BBC. C'est devenu British Broadcasting Corporation en 1927. En 1985, Nintendo amenait la Nintendo Entertainment System, donc la NES, au magasin F.A.O. Schwartz de New York. Un petit jeu nommé Super Mario Brothers est arrivé le même jour. Il y a un débat par rapport à ça. Il y a toute une grosse histoire, si vous allez voir sur Internet, là. Une grosse histoire par rapport à la date de lancement de Super Mario Brothers. Mais je vais vous dire ce que l'article dit de TomEric.com. Donc la NES était la version nord-américaine de la Famicom qui était vendue au Japon. Ça a été testé à New York et ensuite, éventuellement, ça s'est rendu dans le reste du continent et c'est devenu un classique du 8-bit. Donc, c'était en 1985. 19 octobre 1832, Samuel Morse a conçu un système de télégraphe électrique, ou en tout cas, c'est ce qu'on a dit plus tard. On a dit plus tard que c'était le jour 19 octobre qu'il avait eu l'idée, mais évidemment, il n'y a pas de preuve de ça. Le 20 octobre 1975, Atari s'est enregistré pour un brevet pour une arcade, un cabinet d'arcade cockpit qui vous mettait littéralement à l'intérieur du jeu. Le jeu Highway, trait d'union W-A-Y, le slogan était Highway, all it needs is wheels, donc Highway, tout ce qui lui manque, c'est les roues, était le premier jeu Atari à utiliser ce cabinet-là. C'était un shooter à la première personne où on devait éviter les voitures et conduire. Toujours le 20 octobre en 2004... Mark Shuttleworth a envoyé un courriel au développeur Ubuntu en annonçant la première sortie officielle d'un système d'exploitation basé sur Linux. C'était Warty Warthog et à chaque 6 mois depuis, une nouvelle version de Ubuntu sortait avec un nouveau nom allitératif, donc une allitération avec une inspiration animalière. Voilà, donc Warty Warthog. Le 23 octobre 2001, Apple annonçait le nouveau lecteur de musique, le iPod. Apple utilisait la plateforme de référence Portal Player et a engagé Pixo pour faire le design et l'implantation de l'interface utilisateur. L'iPod est devenu le premier lecteur de musique numérique à avoir un énorme succès. En 2012, Apple annonçait le iPad mini à 7,9 pouces de diagonale. Ça, c'était en 2012. On saute par-dessus le 24 pour aller au 25 octobre. Vous pouvez aller voir, en passant, tous les faits que je saute sur assemblagerequis.com. Donc, 25 octobre 1955, Tapan présentait le premier four micro-ondes pour utilisation à la maison, donc pour utilisation par les particuliers. Il se vendait à 1295 $. Raytheon a développé le Raider Range après que l'ingénieur Percy LeBaron Spencer travaillait sur un radar actif et accidentellement, il a fait fondre une barre de chocolat dans sa poche. Et finalement, en 2001, toujours le 25 octobre, Microsoft Windows XP sortait pour la toute première fois. Oui, 25 octobre 2001, un jour qui vivra pour toujours, en tant que le jour où votre système d'exploitation que vous avez encore à la maison est sorti. On est rendu en 2015, ça fait 14 ans que vous êtes toujours sur Windows XP. Peut-être que devriez-vous passer à autre chose. Mais bon, je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein, je suis là pour vous dire ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est un fait Tech Edition. On retourne en chiptune, on s'en va entendre une pièce de Dandruff, oui, comme les pellicules. Dandruff avec l'extrait Roadblock. MPS, le Mathieu Plante Show, ah, c'est fou! Ah, ça, c'est de la variété. Drunk at the Applebee's par Bob Melvin sur l'album Country and Western. C'est comme jeu de mots avec Western et Ness, vous comprenez? C'est inspiré par la musique top 40 des stations country aux États-Unis. C'est fait avec une pédale Voice Live 3 et le Piggy Tracker Turnt Ness Compo Sample Pack de Doom Cloud pour faire le chiptune. C'est ce qu'on entendait derrière. C'était pas mal plus country western que chiptune, mais quand même, c'est un maxi de 4 chansons de musique purement country mélangée avec du chiptune, et ça dit que chip music is not a genre. Le chip music n'est pas un genre de musique, c'est une façon de faire de la musique. Mais en tant que tel, tu peux pas dire que c'est un style de musique, même si en tant que tel, c'est un style qui n'est pas pour tout le monde. Bob Melvin est le nom de l'artiste, et avant ça, on a entendu Roadblock, une pièce de Dandruff, encore une autre chanson faite par LSDJ. Habituellement, l'artiste Dandruff fait des chansons sur Game Boy. Voilà. Il nous reste encore une dizaine de minutes. J'ai envie d'aller entendre une chanson qui vient du jeu Super Mario RPG. Hein, ça vient de l'album Who's the Boss Battles. C'est des battles de musique. Hein? Donc, Super Mario RPG, voici Collect Theme. Bon, Mathieu Plante chaud. Après ça, la conclusion de l'émission et on finit avec la musique d'horreur. Une pièce de Super Mario RPG, c'était Collect Theme par Lame Genie. Voilà. Et c'est là-dessus que se termine cette édition du Mathieu Plante Show. Merci énormément d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h et les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi à 6h30 et au Palmarès Fou les mardis de 15h à 18h. Programmation complète sur cette.ca. Note de l'émission Balado Diffusion sur assemblagerequis.com de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est de Mathieu Plante. Vous avez été planté et on se quitte avec une pièce de Donut Shoes en hommage au Rocky Horror Picture Show. Show! Rocky Horror Picture Show, ça c'est comme juste Show. Sweet Fred Vestite, à la semaine prochaine. Audiomatique suit pour les gens qui nous écoutent le mercredi. Bye bye! your phone? We're both in a bit of a hurry. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Thank you.